بسم الله الرحمن الرحيم. سندخل اليوم في الحديث 99 حديث. Je précise que le bruit de fond qu'il y a derrière, c'est le bruit de la ventilation qu'il y a à la maison, car il fait chaud. Donc, je m'excuse pour le dérangement que cela peut causer dans la qualité de l'audio. Voilà. يقول في الحديث عن جابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ فلولا صليت بي سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشاه فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. Dans ce 99e hadith, toujours dans Bab Sifat al-Salah, la description de la salat, selon Jabir, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à Mu'adh, si seulement tu faisais la salat avec la surat al-A'la, sabbih ismi rabbika al-A'la, ou la salat du shams, le soleil, wa shams wa duhaha, ou la salat al-layl, la nuit, wa al-layl idha yaghsha, car derrière toi, il y a l'homme âgé, celui qui est faible, celui qui a des besoins, qui est occupé, qui font la salat. Non. Donc ce hadith, on a déjà parlé auparavant, du fait de minimiser la salat, de l'alléger, la salat en groupe, pour l'imam. Donc là, c'est à peu près la même mas'ala. Il y a quoi le fadilat al-Shir ibn Uthaymin, al-Rawi, c'est Jabir ibn Abdillah, radiallahu anhu, dont on a déjà parlé auparavant. Et le mot du hadith, c'est Bayan Suwar Yukra'u Biha. C'est de montrer seulement quelles sont les surates par lesquelles on fait la salat, c'est-à-dire en groupe. Et là, dans ce qui parle, là, le hadith, il s'agit du Isha. Il s'agit du Isha, comme cela va apparaître, Inch'Allah. Yakul fi sharh al-hadith, al-sharh al-ijmali. Kana Mu'adh ibn Jabal imaman li qawmihi بني سلمة وكان حريصا على أن يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم من محبته له ورغبته في التعلم منه. Donc justement Mu'adh ibn Jabal à la base était imam pour les gens de sa contrée qui étaient les Banu Salama, et également il prenait soin à faire la salat avec le prophète صلى الله عليه وسلم pour l'amour qu'il éprouvait pour lui et son désir d'apprendre de lui. فكان يصلي معه صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم نافلة ولا هو فريضة لهم. Donc justement, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait l'Isha avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il revenait dans sa contrée. Et de là, il faisait la salat al-Isha pour les gens de sa contrée. Pour lui, c'était une salat qui était surrogatoire. Et pour les autres, c'était une salat qui était obligatoire. Le Isha pour eux. وكان يطيل بهم وهم أصحاب عمل وحرث فافتتح ذات ليلة بسورة البقرة. Donc lui, il était long quand ils étaient avec eux. Et alors que ces gens-là, c'est des gens qui travaillaient, c'était des paysans. Et un jour, une nuit plutôt, il a fait la salat avec sourate al-Baqara. فانصرف منه رجل فصلى لنفسه ثم خرج فتناول منه معاذ. Donc, et ce jour-là, un homme est sorti de la salat. Il a fait la salat tout seul, individuellement. Ensuite, Mu'adh l'a critiqué pour cela, et cet homme est parti se plaindre auprès du Nabi sallallahu alayhi wa sallam de ce que Mu'adh avait fait. On avait déjà parlé auparavant. وفيد الحديث يخبر جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حث معاذا على التخفيف على أن يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وشمس وضحاها والليل إذا يغشى. Donc dans ce hadith, après par la suite, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a donné raison à cet homme et il a encouragé Mu'adh à alléger sa salat, de réciter comme par exemple surat al-A'la ou surat al-Shams, le soleil, ou surat al-Layl. وعلل صلى الله عليه وسلم ذلك بأنه يصلي وراءه ما يحتاج إلى تخفيف من كبير من كبير السن وضعيف وضعيف القوة والصاحب الحاجة. النبي صلى الله عليه وسلم a expliqué la raison de cela, que justement il fallait alléger car il y avait derrière lui, c'est-à-dire derrière Mu'adh, celui qui est âgé, Celui qui est faible, c'est-à-dire qui est affaibli de corps, qui peut être malade ou rezalika, qui ne tient pas longtemps. Et l'homme qui travaille, qui est occupé, qui a besoin de temps. Wa'akada. Naam. Tayyib, yakoul fi fawadi al-hadith. Les enseignements utiles du hadith. Anna al-mashrou' fi salati al-isha an yukra bi fiha bi sabih ismi rabbika al-a'la wa nahwiha. Donc ce qui est légiféré dans la salat du isha, c'est de lire salat al-a'la ou ce qui y ressemble. ثانيا ان المشروع للامام مراعاه من خلفه او من خلفه qui également il revient à l'imam d'observer la situation de ceux qui sont derrière lui de présider dans la salat. ثالثا حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقرر الحكم بعلته ليعرف وجه الحكمه فيه ويزداد المؤمن تؤمنين. Ce qui montre le bon enseignement, la bonne pédagogie du Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans son enseignement, du fait qu'il explique la raison qui l'amène à émettre ce jugement pour que la personne en tire la sagesse et que le croyant en soit encore plus apaisé de savoir pourquoi il fait telle et telle chose. Bien que cela n'est pas obligatoire. On a déjà parlé qu'il y a des choses dont on n'a pas connaissance, nous, de la sagesse qui résulte de telle ou telle règle. Ce n'est pas obligatoire de le savoir pour pouvoir accomplir. Mais c'est mieux de le savoir car cela aide et encourage. Mais si on ne le sait pas, à partir du moment où on sait que c'est une chose qui nous est obligatoire ou qui nous interdit, ou al-zalika, on agit, on applique. D'ailleurs, dans ce hadith, on peut prendre également comme règle, comme fawa'id, que le chien n'a pas cité, qu'il est permis à l'imam d'avoir une niya différente de celui qui est ma'moun derrière lui, de celui qui fait ça derrière lui. Là, dans le hadith, Mouaz, c'est une salat nafila, en tant qu'imam, alors qu'il y a une salat obligatoire. Donc cela n'a joué en rien sur leur salat. Donc, le jugement qu'on avait pris auparavant, c'est qu'il est permis à l'homme, lorsque son imam est trop long, de sortir de la salat et de faire la salat indépendamment pour partir s'il est pressé. Mais vraiment, on parle trop long dans le sens où c'est une chose qui est à outrance et non pas selon la vision de la personne. Tu as des gens, comme expliqué, tu fais surat, par exemple, une surat qui est courte. Il dit que c'est trop long pour lui, lui il veut absolument que tu récites le Kawthar ou Kullu Allah Ahad ou Kullu A'udhu bi Rabbi Nas. Si tu fais plus que cela, pour eux c'est long. Là c'est Mouaz, il a fait surat al-Baqarah, la surat la plus longue du Coran, il a fait 2 juz et demi. À bien comprendre, si l'imam rentre dans une chose qui est beaucoup trop longue pour les gens, à ce moment-là il est permis à la personne de sortir car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas réprimandé cet homme qui était sorti de la salat. Bien au contraire. Il lui a donné raison et il a réprimandé Mouaz par la suite. هذا الذي أخذنا اليوم من الحديث والحمد لله رب العالمين.